quand l'amour n'est déjà plus qu'un fait qu'humain. Rien qu'un soleil éteint dans notre cœur. Pourquoi chercher des mots, pourquoi mentir? Rien ne doit nous retenir, on n'a plus qu'à partir. C'est fini, il faut se dire adieu. Il faut oublier tout ce qui fuit nous deux. Une vague est venue effacer les traces qu'on avait laissées sur cette plage abandonnée. Le vent du soir sans rime ni raison aura demain pour nous d'autres chansons. Il va falloir apprendre à oublier, faire comme si jamais rien n'était arrivé. C'est fini, il faut se dire adieu. Il faut oublier tout ce qui fut nous deux. Une vague est venue effacer les traces qu'on avait laissées sur cette plage abandonnée. Tous ces chemins qui mènent loin de toi, je les prendrai sans trop savoir pourquoi. J'irai chercher ailleurs d'autres refrains, chercher d'autres lendemains pour cacher mon chagrin. C'est fini, il faut se dire adieu. Il faut oublier tout ce qui fut nous deux. Une vague est venue effacer les traces qu'on avait laissées sur cette plage abandonnée. C'est fini, il faut se dire adieu. Il faut oublier tout ce qui fut nous deux. Une vague est venue effacer les traces qu'on avait laissées sur cette plage abandonnée.